Oh, il a mangé ou moins? Il a pas mangé. Tu es toi radin. Il y a un petit pognon, toi radin. Oh, tu l'escapes, hein. ¡Vamos a la familia! ¡Vamos!